mars 68. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. For questions or comments, call the studio line while the music is playing. Et en français? Eh bien, vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul. Radio Without... Oh là là, quelle langue est-ce que je parle? Radio Sans Frontières. Très bien. Et bonsoir, Dana. Good evening, Carol. My name is Dana, co-host Carol. She's been at the helm, and I've been gone for a little bit, so back in the studio, nous y sommes. Here we are. Oh... Et nous avons beaucoup de bonne musique ce soir, Dana. J'ai amené des chansons. I brought some songs. And so did Carol. Let's, how about we kick things off with a little bit of falsetto. You know how you said you like M with his falsetto type Quelquefois. Sometimes. Well, I thought that we needed a little bit of dancey music and something French. Ah. It'll bring us back maybe 6 or 7 years ago. This song was a top song in France. And I thought, you know what? Why don't we listen to some Christophe Willem with Double Jeu. On y va. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux?

Oh, la patronne n'était pas fière. Il était là, tranquille comme tout, avec au front un tout petit trou. Mon Dieu, que cette histoire est bête. C'était mon blond qui était parti, en me laissant un petit mot écrit. J'ai assez ri. Salut, petite tête. Oui, c'était... Who was that beautiful voice? Edith Piaf. Jeune Piaf. Très jeune, parce que la voix était un peu différente. Le brun et le blond. Elle parlait des hommes, bien sûr. Mm-hmm. Edith Piaf. And before that, we had... Julie Day, qui chantait Aiko, Aiko. And the other one, Publicité... Ah non, ça c'était France Gall, publicité en grange, je crois. Yeah, and they're sort of funny songs because both of them are about drinking. One's about drinking wine and the other one's sort of about drinking beer. That's funny for a Tuesday. Bah oui. Why not? Pourquoi pas? Let's see. We have some great music from RFI coming up. What was this? We'll go ahead and listen to something from Sensi and Femme Creole. Here we go. Vraiment, car attendre le dernier moment pour avouer que vous aimez un monde qui n'est bien longtemps. Tu mettais ciao en mille morceaux, tout en fil la porte en moi. C'est ça tout seul qui a séparé nous, même si avant moi t'es pas de joie. L'amour mettez-moi à genoux. Moi les parlez-pas. Parlez pour moi t'es existé. Parlez même si bouche moi fermé. Parlez pour ça, ça moi mais. Parlez sans jamais. Parlez juste dans l'ennui tombé. Oui, parlez pour faire ton passé. Parlez pour l'offrir. Parlez sans tricher. Que vous aimez un monde qui n'est bien longtemps. même si bouche moins fermée. Pas les fous, ça, ça moi mais pas les sans pas les juste dans l'ennui tombé, oui. Pas les fous, faites en passé. Pas les fous, l'oser. Pas les sans tricher. Deux chansons par de jeunes. La première était Sensi et ce deuxième S-Y. Elle a chanté L'homme de ma vie. The man of my life, uh-huh. Cincy. Et la première que vous avez entendue, c'était les femmes créoles qui chantaient Palais. Creole women singing Palais. Palais would be, is it the verb in the past tense? Palais. Palier. Mm. Non, ce serait Palais. Palais. Mm. Ah, non. Je vais consulter mon petit Robert quand je rentre chez moi. Okay, we have this announcement, and I will be looking at my French dictionary when I go home and finding that definition for you all. For now, one sec with these announcements. KFAI is partnering with the James J. Hill Center in downtown St. Paul for a new music series, The World Live at the Hill. Each show will be a celebration of the diversity of local music and the people of Minnesota. The series kicks off Thursday, October 15th with Almandina, a local band combining traditional music from the Andes Mountains with popular Latin American rhythms. Information is available at jjhill.org/go/theworldlive. Keep

La France est mon frère, tu l'entends. Un tour et plus rien que ce goût amer d'avoir été là et de ne rien faire. De mon pays, ces gens, mais tout m'exaspère, mais tout est triste dans ton camp. Si je regarde autour, je vois ces barrières. Si j'avance à mon tour, le coup par derrière, je le prends. Sécurité, mon cul et les mains en l'air. Avoir la paix, cultive la misère. Tu comprends, je suis lâche et tout m'indiffère. Plus rien à foutre de mon pays, ces gens, mais tout m'exaspère. Mais tout est triste dans ton camp, dans ton camp. Il faudrait tout envoyer. J'irai mélanger les couleurs pour pouvoir dire dans mon pays la liberté n'est pas un cri. J'irai leur dire à ces salauds qu'il avait bien raison et oh, qu'à trop nous prendre pour des cons. Un jour, nous le deviendrons. Je suis lâche et tout m'indiffère. Plus rien à foutre de mon pays, ces gens, mais tout m'exaspère. Plus rien à foutre, je lâche et tout m'indiffère. Plus rien à foutre de mon pays, ces gens, mais tout m'exaspère. Mais tout est triste dans ton camp, dans ton camp. Il faudrait tout envoyer en l'air, un bel éclat. Il faudrait pouvoir brûler ces ailes, un bel éclat. Voilà, beaucoup de chansons. Les deux dernières ont été par l'artiste qui s'appelle Kaula. Et d'abord, la dernière chanson était « J'irai mélanger les couleurs » de son album qui s'appelle « Mélanger les couleurs ». Et la, celle avant cela, c'était « Partons vite ». Et avant cela, il y avait deux par Serge Gainsbourg. La ballade de Melody Nelson et Requiem pour un C. pas gentil. Oh, oui. So what we heard was Kaolin with I Will Go and Mix Up the Colors. And he was talking about race, mixing their colors of their skin together. Before that, we had Partons Vite, Let's Leave Fast, and that's from the same album, Mélanger les Couleurs, Mix the Colors Up. Before that, Serge Gainsbourg with one of my favorites, The Ballad of Melody Nelson. And before that, Requiem for a Jerk. Oh, so it's funny because Carol and I, we've been off and on, one person here, one person not, and we come together with a song list tonight, and she has chosen songs that I played while she was gone. So oh, no. I said, les grands esprits se rencontrent, right? Eh ben, oui, c'est vrai. So in English, that translates to... Oh, great minds think alike. Mm-hmm. Voilà. That's a good... what is it, an idiom? Yeah. Oui, je crois. Mm. Do you know what's the difference between a dicton? Yeah, I was going to say dicton ou... Proverbe. Proverbe. Mm-hmm. Proverbe, c'est plutôt ancien, dans mon esprit au moins. Mm-hmm. Dicton, c'est quelque chose qu'on dit dans la langue populaire. Okay. Ouais. So... Proverbe is from a long time ago, and dicton is just in the popular language. Oui. Hmm. All right. So comme we listen. Comme j'ai dit quand j'étais à Paris, il pleut des cordes. il pleut des cordes. It's raining cords. Voilà, ça c'est. Like cords. What kind of cords? Like ropes. Ropes. Yeah, that's. Oh. Comme nous disons, it's raining cats and dogs. Oh, qui okay. Est assez bizarre, mais... mm-hmm. Well, those when you said it, I immediately thought of the big, heavy ropes that you have on a ship. Ah, oui. You know, those big marine type of ropes that you have to learn d'accord. The big knots and the cold. Les cordes. I don't know. Oh, il pleuvait très fort à Paris quand j'y étais. That's funny that you had that strange weather. Oui, oui. Mm. 2 jours beau. Et environ 5 jours de vent et froid et beaucoup de pluie. Mm, well. Et maintenant, il fait plutôt beau, comme notre temps ici. What was your best part of your trip to Paris? Pour voir une amie, mon amie Suzanne. Mm-hmm. Et alors, on a pu faire quelques excursions quand même. Nous sommes allés au canal Saint-Martin. Ah, oh. J'adore. Yeah, I used to live right next to Canal, St. Martin, the canal, right there by Place de la République. And oui. Right. And tout le monde était dehors. Et there's all those cute little cafes and little boutiques. Oui, c'est ça. Oh, yeah, it's so beautiful and picturesque. Et je peux même dire que j'ai fait du bateau parce que il y avait un bateau pour amener les gens d'un côté à l'autre parce qu'il y avait un cinéma sur les deux bords du canal. Donc, si... oui, c'est bizarre. Mais si tu voulais voir, par exemple, ceux qui jouaient à l'autre côté, mm-hmm. tu prends le petit bateau. Ah bon? Et moi, j'ai pris le bateau. Et c'était quoi comme cinéma? Oh, avec plusieurs écrans. Ah, d'accord. Beaucoup de films différents. Cinema on both sides of the canal. The canal's not that big, though. That's the irony. C'était so. Pas promenade en bateau très long. the best thing Une about minute. Paris is that if you have the feeling like, I mean, living there as for many years and being away from America, I remember that I'd get the feeling like, I really want to see a movie with Jack Nicholson in it. And you just open up Periscope or the other little booklet, you can find a movie with Jack Nicholson playing somewhere in Paris. And there's a cinema where there's Charlie Chaplin playing down in the Fifth in the Latin Quarter. Oh, je dois dire ça en anglais. I found something very nice. What? When I arrived, I took a cab. I know it was 78 euros for this cab. Oh, my gosh, it has gone up. Well, it was a rather elegant cab. And a Bentley. I think I got a little bit taken there. But on the way back, there's something new that they talk about. It's radio taxi, and it's a taxi partagé. And what you do is you arrange ahead of time and pay for it. Mm-hmm. And they arrange for several people. There were just two young women in the cab with me about going back to the airport. Hmm. And it was, I don't know, 30 euros or something. Oh, well, that cuts the cost. Big savings. Extremely. Yes. And that definitely beats having to take the RER train and pay all of that. The last time I took the RER, the escalators were not working. And so I carried my big suitcase up the escalators, which did not work. Oh, yeah. Alors, est-ce qu'il est l'heure? Oh, il est l'heure. Vous êtes à l'écoute de Fraîcheur Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, et Radio Sans Frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. You're tuned into Bonjour Minnesota. There's nothing on the radio anywhere in the world like what we present. Oh, no. Oh, ça c'est vrai. Anything we feel like, you know, we'll take a hop, skip, and a jump to Aznavour, Edith Piaf, and throw in some French hip-hop sometimes. Oh, et oui, et moi d'abord, un très grand remerciement à nos auditeurs. A huge thank you to all of our listeners who pledged here on Bonjour Minnesota. Mm-hmm. And it was on an evening when our pledges were equaled by an anonymous donor. When we thank you and the anonymous donor so much for your participation and managing to keep us going here. If you only knew how little is spent here on wages, very, very little, a few people. 80 We're all programs. Volunteers. Yeah, all volunteer programs, 80 people, 80 shows a week in 12 different languages. Many. So, yeah, I think we really did a good part, and people are always welcome to pledge their support and volunteer at the radio station. I think we don't stress that enough, that yes. If you would like to get into radio and share your French language, you know, contact us, contact the station. If you got some way that you like to talk about your trip to France or music you'd like to share, or perhaps you sing and play music. Actually, I have someone who's going to sing for us and bring in a musician. Oh, bravo. Mm-hmm. We can look forward to that. Let's go to a little bit of music before Les Annonces de l'Alliance Française. And I wanted to play something that makes me feel so happy from the musical, The Ten Commandments, the French version. Are you familiar with this? Does this sound familiar to you? Oh, okay. Qu'est-ce que c'est? It's a surprise, so here we go. Tellement possible, l'amour. À qui n'entend, regarde tout. À qui ne veut, vraiment. C'est tellement bien d'y croire. Mais ne laisse plus rien. que c'est joli, ça. L'envie d'aimer. L'envie d'aimer. That's the theme song, thème des 10 commandements, le musical qui a passé en France dans les années 2000. Generation Love, but I know Pascal Obispo, I think he wrote that song. Ah bon? Il chante aussi dans He has a version as well, singing this song. Well, how about some announcements then? Pourquoi pas? Here's some from the Alliance Française, who is saying that they have a beginner level book club that meets Saturday the 17th from 2 to 3:30 for lecture facile, beginner level. They're currently reading Le Petit Prince by Antoine Saint-Exupéry. Here's something that is just astounding coming on at the Cedar. Gad Elmaleh is coming on, and he received a great honor. In fact, I think he received Chevalier de Légion d'honneur for being the funniest man in France. Besides that, he's with one of the princesses of Monaco, and they had a child. I don't know. But he speaks about 4 or 5 languages. And this will be at the Cedar coming up December 15th at 7:30. Yeah. And unfortunately, it's on a Tuesday, so we won't be able to see it, but we'd love to have everyone here go see Gad Elmaleh on December 15th. On this Friday, it's a week from Friday, the 23rd at 7 p.m., the Alliance is announcing a horror film for the Cine Club. It's a recently released French horror film called Dernière Séance. It's for mature audiences only, free and open to all. When is that again? That's Friday the 23rd. Oh. A week from this Friday. All right. On a Tuesday the 27th at 7 p.m., I Am Not a Feminist, But. That's a lecture with Sylvie Tissot, and they'll be conducting things like what differences exist between French and American feminism, what is material feminism, who was Christine Delphi. It's en français. Thursday the 29th at 6 p.m., a visite guidée en français. Join guide Florence Walkley for a tour in French of the Eugène Delacroix exhibition at the Minneapolis Institute of Arts. There is limited space reserved for Alliance Française members only at this time. There will be more dates to come. One thing here about parking, there are now in Minneapolis mobile apps for parking meters. This is great. And it will enable drivers to pay for parking through a smartphone app without going to the meter or the pay station. So each parking pay station it tells it all, labeled with the MPLS parking app information. So the nice thing about that is if you have to put some more money in the meter, you can just do it from inside wherever you are. Mm-hmm. Not have to leave. It'll be reach it. Mm-hmm. They don't have to go back out to the street. All kinds of classes going on. A 5-week review for beginners and intermediates of the upper and lower levels. Also, a 5-week intensive classes. That means they really, really put it on there. There's one for beginners levels 3 to 5 called Change of Time, grammatically, I'm sure. And a 5-week class for travelers, French for travelers, which is absolutely necessary if you're planning to go to France. I think you'll enjoy it much more. What is so great about French, I mean, not just when you go there and you're speaking French and you know that sometimes the person, the boulanger ou le fromageur, oui, c'est ça, la personne qui travaille à la fromagerie. The person at the cheese shop may speak English, but you might bump into someone from another country that you start trying to have a conversation, and they're, you know, sometimes they don't speak English. Their language might be Chinese with they know True. French as their second language. And it's exciting when you're building that bridge with your second language and their second language, and your first native tongue is not the same. Well, that's so, it's magic when that happens. My dear friend Suzanne took 4 years of English, and she says all she can say is, what time is it? So, and besides, it's interesting and fun. French is not only spoken in France, but in many, many different countries. It's the important language in many African countries and all over in Canada. What else is coming up here? You can call the Alliance for registering or go online. The number at the Alliance is 612-332-0436. There are many classes for children. There are pre-K class on Saturdays from 9 to 10. Students will learn songs, work on art projects, and play a game for 1 hour in French immersion. And that'll be a lot of fun for the kids. Treasures of Napoleon. Now, I didn't even know about this. October 8th through January 10th at the Minnesota Centennial Showboat in St. Paul. And here it says at the Southern Theater. Now, there's something wrong there. What? Yes. It's a spectacular traveling exhibit. Treasures of Napoleon tells the fascinating story of Napoleon and features world-class art and design of his time. There's an extraordinary collection of First Empire works, and author Pierre-Jean Chalençon will be there to show you the belongings of Napoleon I. I think that would be really fun. Is that on loan from another museum, or is this part of some private collection? I'm very curious. That would be interesting to find out. Oh, yeah. Coming off the Walker, started on October 7th, and I believe it's still playing, the Masterpieces of Jean Epstein. He is an early pioneer of French cinematography. Cinema is one of the greatest. The French were, of course, one of the pioneers of early cinema. But Jean Epstein was also a close friend of Jean Cocteau. He also had Louis Buñuel as an assistant director while he was transitioning from silent to sound films. Find out about him at the retrospective of his work at the Walker. Alliance Française members receive a discount by showing their card. The Twin Cities Jewish Film Festival is coming up. It started, in fact, on Sunday the 11th at 7:30 and Thursday the 22nd. Now that one will be one you can still see. The 22nd at 7:30, A La Vie, it's called. I think perhaps you'd like to check out that. Just put in your computer, TC Jewish Film Festival. Of course, many things going on in Rochester. If you're a Rochester native, check them out there. They're either at the People's Food Co-op or the Public Library. And also, there are many offers of employment for French speakers and others. You can check out the Alliance Française. Simply put in bonjour at Alliance Française, or just Alliance Française of Minneapolis. Et voilà. Un peu de musique, Donna. Pourquoi pas? We hear that little Django Reinhardt in the background. Ah, c'était Django. Mm-hmm. Django Reinhardt. With a chanson qui s'appelle Daphne. That was the name of my, when I had a French pen pal in French class, I told the Parisian that my name was Daphne. And then the next letter I told him, or maybe I wrote that I was lying before with, you know how you give yourself a fake name? Oh, anyways, Django. À quel âge tu étais très jeune? 14 ans. Un peu de fantaisie. All right, let's listen to some more French music. And here we go with, here we go, one sec.

je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vos lois. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, je suis comme si. Ne m'empêcherai pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. C'est comme si, comme ça. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins. La petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre. La petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles. La petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt. Dans les rangées de tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. Au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, des secousses et des aiguillages, dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments et stratégies, d'emploi du temps en réunion. Si c'est de ça qu'il s'agit, des sacs à refaire, mes affaires, de mes bagages enregistrés, entre les décalages horaires, de mes départs, mes arrivées. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. Sur les trottoirs d'un autre monde, au pied des mêmes quartiers d'affaires, des bouts de couloirs qui se confondent à la mémoire de mes passages éclairs, de mes chambres d'hôtel trop chic, des taxis jusqu'au hall de gare, de longs tunnels périphériques, des avenues et des boulevards, au bord des vertiges et des gratte-ciels, des rendez-vous, des bavardages, dans les grands vides sans l'essentiel, quand le béton me met en cage, de mes jours à côté de la plaque, comme étrangère et sans repère, à me réfugier dans les parcs pour faire semblant de prendre l'air. Toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt. De tournesol qui se casse la gueule et qui rigole. J'serai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Programming on KFAI is supported in part by the Minnesota Humanities Center, proud to partner with AMPERS and KFAI to present Veterans Voices. October is Veterans Voices Month in Minnesota. Veterans Voices honors the state's veterans year-round by giving them the opportunity to connect with others and tell their stories in their own words through plays, art, discussion groups, and more. Information about Veterans Voices is online at minnesotavets.org. KFAI is proud to present Nikki Hill in concert Thursday, October 22nd at the Dakota. I've got a man. Hailed as the new queen of rock and roll, Nikki Hill delivers her own brand of precise but gritty blues and 50s-style rockabilly. Nikki and her band are guaranteed to get the crowd moving. More information is available at dakotacooks.com. Eh bien, vous avez écouté deux chansons par Zaz. Moi, j'aime bien Zaz. I love her, too. Oui, parce qu'elle est pleine d'enthousiasme, rapide et pleine de vie. And her raspy voice oui. is just so powerful. And mm-hmm. Elle a chanté d'abord comme ci, comme ça. Like this, like that. Je suis comme ci, comme ça. Mm-hmm. Et ensuite, toujours. Always. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? What did we hear before that? We heard that chat avec le chanson, with the song Le oui, Coeur. Oh, oui, chat. Mm-hmm. Comme un petit chat. Mm-hmm. Not chat. No. Let's take a little bit of a detour with some Aznavour. Pourquoi pas? D'accord. Des chansons. Des classiques, un peu. What did you choose for Aznavour for us Aznavour, tonight? Aznavour, une chanson qui s'appelle Reste, Stay mm-hmm. with me. Et ensuite, une chanson chantée, on pense, avec Édith Piaf, parce qu'on entend la voix d'Édith Piaf. Mais c'était après sa mort, donc c'était ensemble parce qu'on a manipulé cela. Hein. I was wondering. Et c'est Plus bleu que tes yeux, une chanson écrite par Charles Aznavour. Right, here we go. Tu savais que Aznavour a commencé comme le pianiste de Piaf? I think I heard that before. Ouais. Et elle ne croyait pas qu'il avait beaucoup de talent. Donc, elle n'a jamais laissé chanter avec elle. And then he makes the song and puts her voice in the background. That's class. Oui. It's the evil, it's when you live longer than other people, you can write the history. Oui, c'est une belle chanson, d'ailleurs. Here we go. Reste, reste encore avec moi sur mon corps, dans mes bras enlacés, essoufflés, assouvis, étourdis, reste au chaud. Alangui dans l'enclos de la nuit, sur mon cœur, sans pudeur, éperdu, presque nu, reste ainsi sur ta faim. Détendu, reste là, sans un mot sur ta joie, sur ma peau. Bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des yeux. Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août, ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.

vie. Que tout soit si différent. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Pour oublier des moments. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. On voudrait tous être quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. On voudrait tous être quelqu'un d'autre. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. AMPERS.org has hundreds of music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. KFAI is supported by Patrick's Cabaret, located at Lake and Minnehaha in Minneapolis. Patrick's puts it all on stage. You name it, it happens at Patrick's. On Thursday, October 22nd, Patrick's Cabaret presents the Singer-Songwriter Series, an intimate evening featuring a solid mix of talented, emerging, and established local musicians, all presenting original works in a storyteller-style format. More information is available at patrickscabaret.org. All right. Qu'est-ce qu'on a écouté alors? Charles Aznavour. Alors, la dernière chanson d'Aznavour, c'était un duo avec Édith Piaf dans une chanson que Aznavour a écrite, appelée « Plus bleu que tes yeux ».« Bluer than your eyes », a duo with Édith Piaf after she's been gone for a very long time, and they mixed together their voices in that beautiful mix. Et pour commencer, c'était Charles Aznavour avec Reste. And then after that, we heard La Grande Sophie with Someone Else in French, which is what? Quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Now, we're going to take a little detour. I think we're going to listen to this one. You said there was something interesting. Let's go ahead with this. Something from Les Nubiens, numéro 6, on y va. Passé, ressurgit sans mentir. voudrais vous présenter le petit Kevin Mulligan. Et le petit Nicolas Fismar. Tune in Sunday, October 18th from 10 o'clock to 11 a.m. for the Fire Your Pain Pill, Hire Your Acupuncturist, brought to you by the Acupuncture and Oriental Medicine Association of Minnesota. We will be looking at alternative approaches to pain management. Listen in October 18th to The Wave Project. KFAI is partnering with the James J. Hill Center in downtown St. Paul for a new music series, The World Live at the Hill. Each show will be a celebration of the diversity of local music and the people of Minnesota. The series kicks off Thursday, October 15th with Almandina, a local band combining traditional music from the Andes Mountains with popular Latin American rhythms. Information is available at jjhill.org/go/theworldlive. Ooh. Alors, voilà. La dernière chanson était Morane, ça casse. Et on a joué avant cela Les Nubiens, les portes du souvenir. Et j'aime beaucoup cette chanson. C'est très, très joli, n'est-ce pas? Moi, j'adore. Ce sont deux sœurs. C'est pour cela que les voix vont ensemble. Mm-hmm. Est-ce qu'on a fait une autre avant cela? On va écouter encore une chanson de Morane. Ah, d'accord. Crois. Morane. OK. Les femmes... Quoi? Les femmes... Les femmes en dessous, les hommes en par-dessous. On y va. Toujours. Oh, c'était quelque chose. If you call in and you can recognize the song, I will send you a very cheesy French CD in the mail, honestly, if you name that. If you call the studio line, the one that was at the end? Yeah, the song that was at the end, 612-341-0980, if you can remember what that's from. But what was that? What was the chanson? Les femmes en dessous et les hommes en par-dessus. So the women on the bottom and the men on top, but in raincoats. In a raincoat. Oh, c'était quelque chose. Well, play on words there. Shall we listen to some Guy Béard to say goodbye? Ah oui, Guy Béard vient de mourir. C'était pendant que j'y étais à Paris, on a annoncé à la télé. Et c'était très célèbre, surtout pendant les années 60. Vous allez écouter d'abord L'eau vive, la chanson qu'il a rendue très célèbre. Et qu'est-ce que c'est la deuxième? Pierrot la tendresse. Pierrot la tendresse. On y va. Guy Béard. Et nous aimerons vous souhaiter une bonne semaine. Bonne soirée si... et à la semaine prochaine. Bye. À tout le monde. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets. Dans le laurier, le thym et le serpolet. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du rameau pour la mener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Emporté par l'eau vive, dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez. L'eau vive n'est pas encore à marier. Pourtant un matin nouveau, à l'aube mon eau vive. We just had a winner. We had Mike from South Minneapolis calling in saying that it was Yakety Sax from Benny Hill. Bunsman. Pleurez, si je demeure esselé. Le ruisselé au large s'en est allé. C'est un brigand à l'âme tendre. Pour vous étendre, il met des gants. Mauvais garçon, mais gentilhomme, il vous assomme dans l'affection. Incognito, il vous adresse quelque tendresse, signé Pierrot. Chantez, chantez, messieurs, mesdames, vous rendrez l'âme dans la gaieté. Si vous êtes laid, qu'on vous néglige, Pierrot corrige votre portrait.